En un temps record, le commissaire Irlog et son équipe ont réussi à lever le voile sur un meurtre d'une brutalité incroyable. Pour notre journal, et en exclusivité, nous avons recueilli ces explications et vous livrons sans détour les secrets de l'histoire terrifiante de Tiffen Murmure. Nous sommes le 13 avril 2019. Joachim, très amoureux d'Elisa et décidé à la demander en mariage, organise une soirée entre amis au cours de laquelle il compte lui faire la surprise de sa demande. Les invités sont des proches du couple et répondent évidemment présents pour l'événement. Il est à peine 20h, la soirée peut commencer. Tiffen arrive à 20h05, accompagnée de sa petite amie, Elodie. Une bouteille à la main, Tiffen sait déjà ce qu'il attend ce soir-là, boire. Tiffen est alcoolique, et ce soir-là, elle boit pour oublier. Oublier sa dispute récente avec Elodie, oublier son couple qui bat de l'aile, oublier la tristesse qui l'habite. Tiffen enchaîne les verres de vin, les bières et même le cannabis. Elodie explose, c'en est trop pour elle. Elle décide de partir de la soirée et laisse même entendre à Tiffen que leur histoire est terminée. Tiffen s'en veut, mais l'alcool et la drogue ne lui laissent pas de répit. Malade, elle finit par vomir dans les toilettes puis s'allonge sur le canapé avant de sortir prendre l'air sur le balcon vers 1h40 du matin. Un coup de feu retentit, Tiffen Murmure s'effondre sur le sol du salon. Elle vient de recevoir une balle en pleine tête. Pour les amis de la victime, la soirée passe du rêve au cauchemar. Quelques minutes après, la police arrive dans l'appartement. Alertée par le bruit, une patrouille a arrêté le tireur et vient désormais prendre les dépositions des témoins. L'homme qui a été arrêté n'est autre qu'un tueur à gages. Payé par avance, il ne révèle pas l'identité du commanditaire. Drogue? Argent? Le motif de l'assassinat est nébuleux à cet instant, mais le temps presse. Le commissaire Irlog décide alors de mettre un maximum de cerveau sur cette affaire, dans le but de la résoudre le plus rapidement possible. Pour lever le voile sur cette histoire, concentrons-nous sur trois des invités. David, le futur témoin, sa femme Marie-Jeanne et Sarah, la belle célibataire. Si ce 13 avril est le jour de la demande en mariage de Joachim, il ne s'agit pas d'un hasard. Il s'agit du jour du retour de Marie-Jeanne en France, après 3 mois de voyage d'affaires au Japon. Mais ce que Marie-Jeanne ignore, c'est que durant ces 3 mois, David en profite pour la tromper avec la jeune et jolie Sarah. Le couple adultère se réunit régulièrement, et le 13 avril 2019 au matin, Sarah annonce à David qu'elle est enceinte et souhaite qu'il quitte sa femme. Une femme riche qui l'emploie dans sa société pour un salaire mirobolant, une maîtresse séduisante de laquelle il profite à loisir. Jusqu'à l'instant de l'annonce de la grossesse de Sarah, David vit le rêve éveillé. Mais la crainte de perdre sa situation et sa fortune vont réveiller en David le monstre qui sommeille. Il décide d'organiser au plus vite l'assassinat de sa maîtresse. Grâce à sa fortune, il fait appel à un tueur à gages. Il indique l'appartement de Joachim et Elisa, ainsi que la tenue de la victime, très repérable grâce à un châle coloré. À 1h40 du matin, le 14 avril, le tir qui doit tuer Sarah part. Mais ce que David n'avait pas prévu, c'était qu'à l'heure du tir, il serait aux toilettes. Et qu'à ce moment précis, Tiffen Murmure, ivre, sortirait sur le balcon se rafraîchir, le châle de Sarah sur les épaules. Si David croupit en prison pour le restant de ses jours, nul doute qu'il aura tout le temps de penser aux horreurs qu'il a commises et à toutes les personnes dont il a détruit l'avenir ce soir-là. Coup de filet incroyable, le commissaire Irlog a, grâce à cette affaire, pu mettre fin à un réseau de distribution de cannabis important. En effet, un invité surprise s'était glissé dans la soirée, un ami de Tiffen Murmure, membre de ce fameux réseau. Le pauvre a fui la scène de crime, et malgré les témoins l'ayant couvert, il a tout de même été identifié par une équipe d'enquêteurs brillants. Si la mort de Tiffen Murmure amène une seule chose positive, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder, conclura ainsi notre interlocuteur.